بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع أثارهم اتفهم بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد on avait prié إن شاء الله تبارك وتعالى الكفر كفرا que الكفر ينقسم إلى قسمين ما هما نعم كيف يعني نعرف الكفر الأصغر كم لغة كنا نعم وكفر أكبر كم الشرك الأصغر تم كل ما جاء تسميته في الشرع أنه كفر. تم. tout texte يعني dans le kitab de la sunna dans lequel est venue l'appellation du kufr يعني sur cette martia là. comme on a évoqué avec l'exemple de القتل مثلا وقتاله كفر. تم. combattre son frère c'est du kufr. et c'est معلوم ça fait pas sortir l'islam c'est كفرون دون كفر. كفرون دون كفر. وكذلك الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال كفر دون كفر. une mécréance sans être une mécréance yani, qui ne fait pas sortir de l'islam et c'est pour ça que Allah Azza wa Jalla a évoqué d'autres il a dit wa man lam yahkum bima anzala fa ulaika humul zalimun fa ulaika humul fasiqun ala hasab tam ala hasab fa hada taqsim sahih taqsim sahih il évoqua rahimahullah ta'ala ma anwa' al kufr al akbar kam anwa' 5 naham al awwal كفر الإباء لا بس ما مشى ما سيبقى دون ترتيب كفر الإباء لكن لايفوكي une chose qui est importante dans celui-là parce que si jamais مع التصديق si jamais on ramène pas مع التصديق ça sera la même chose que كفر الإعراض ça sera la même chose أما كفر الإباء فهو يصدق il approuve que cette religion là c'est la religion de la vérité il approuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala فهو الإله الحق لكن لا ينصاع له il se soumet pas لا يعبده لكن لا يكذبه il le dément pas il approuve mais il le dément pas لكن il ne voit pas ça s'appelle كفر الإباء والاستكبار et c'est le كفر de la plupart des كفار car ils savaient que la religion du prophète عليه الصلاة والسلام c'était la religion de la vérité لكن أبا واستكبروا نعم ككفر إبليس et أبي طالب نعم ensuite نعم كفر الشك أو الظن ستجيع ني الدمون ني الأبخوش هذا هو تمام نعم فهذا يعني لا ينفعه ني الدمون ني الأبخوش فهذا سدو كفر بالله عز وجل تمام الله عز وجل إلى دموندي دو أن أؤمن به تمام قل آمنا بالله وما أنزل إلينا دي جي فو عن الله عز وجل أن سك الله سبحانه وتعالى descendu sur nous نعم L'ayah fidaïque qui tira. Ça, c'est des choses qui sont ma'loum. Kadalik? Al-i'arad, comme on a dit. Al-i'arad. C'est-à-dire? Celui-là, ni le écouter, ni par son cœur, ni par ses oreilles. Naam. Yani, la yusaddiqu wa la yusaddiqu wa la yukadzib. Ni il dément et ni il approuve. Et kadalika, la yusri ilayhi sam'u. C'est-à-dire qu'il ne prête pas oreille. Il ne prête pas attention. Il s'en détourne. Il ne fait pas attention à cela. Il s'en détourne, il n'en prête pas attention. Naham. Kadalik ? Ça fait une, deux, trois. Ça fait trois, là. Ouais. On avait évoqué Kufr al-Nifaq. Kufr al-Nifaq, naham. Et fait le haqiqa, celui-là, en vérité, on peut le mettre à part entière, naham. Dans le chapitre de Nifaq. Lakin, il a rentré dedans. Ouais. Pourquoi il a évoqué dans le Kufr ? Tout nifaq c'est du kufr, naam. Fait dans le cas, il a évoqué Hahuna. Lakin fil haqiqa, sa place c'est dans al nifaq, naam. Kadalik? Ensuite, nous on avait ajouté kufr al-juhud. Al-juhud, naam. Il aurait dû mettre celui-là à la place. Kufr al-juhud. Naam. Kafiroun, yani qui. Non seulement le fait de croire dans son cœur, mais en plus de. d'afficher le kufr. Naam. De faire apparaître le kufr. Ah bah ouais. Et le dernier le premier. C'est le premier. Et le premier. Alors, c'est un... Kufr al-takdhib. C'est celui qui dément. Qui n'approuve rien du tout, qui dément. Il écoute, lakin il dément. Totalement. Comme l'ont fait avec les. Yani fi sulh al-Hudaybiyah. Lorsqu'il a dit Oktob, yani par rapport au sulh, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Faqalu am ar-Rahman ar-Rahim, on ne connaît pas ça. Lakin Oktob bismika Allahumma. On ne connaît pas ar-Rahman ar-Rahim. وإذا قيل لهم استدوا للرحمن قالوا هم الرحمن يعني pour eux يعني الرحمن c'est une deuxième personne. بعدين l'histoire sur ça et l'histoire sur Mohammed ibn Abdullah Rasulullah. Eh ouais, c'est la même histoire. Ah طيب. C'est la même histoire. En fait voilà, il commence comme ça directement. Il lui dit octobre, donc ils disent bismillah ar-rahman ar-rahim يعني les musulmans. النبي صلى الله عليه وسلم يعني dicta à Ali ibn Abi Talib, c'était Ali qui écrivait. Ça il lui dit octobre bismillah ar-rahman ar-rahim, il lui dit non, tu écris juste bismillah ou bismillahumma. Tam bismik Allahumma, un truc comme ça. Faqala ar-Rahman ar-Rahim, on ne connaît pas. Tam. Ensuite, il a dit min Muhammadin Rasulillahi. Faqala law kunta Rasulan ma qaltalnak. On ne t'aurait pas combattu. Donc, hawala, ils ont démenti le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont démenti sa prophétie. Naam. Fahada kufr takdhib. Wa kullu dhalika yukhrij sahibahu min al-millah. Ensuite, il a évoqué le kufr al-thani qui est. Al-Kufr al-Asghar, naam. Il avait évoqué par rapport, il a dit c'est Kufr al-Ni'ma. On a pu rajouter une chose par rapport à ça. Al-Hasab, naam. Parce que Kufr al-Ni'ma, c'est bien ma'ana, adam al-Shukr. C'est le fait de ne pas être reconnaissant. Et donc, le fait de ne pas être reconnaissant, ça dépend de la chose dont tu n'as pas été reconnaissant. Ça peut être une kabira, ça peut être une ridda. Ça peut être une marsiya min al-sagha'ir ala hasab, naham, ala hasab. Et la ni'ma, tu es reconnaissant si jamais tu mets en application trois choses. Il y a même bab al-fa'ida. La ni'ma, elle a trois arcanes, elle a trois piliers. Al-i'tiraf bil-qalb. C'est qu'il reconnaît que cette chose-là lui vient d'Allah Azza wa Jal. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Il sait que cette chose-là vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si jamais c'est un ami qui lui a ramené maintenant une ni'ma, un bienfait, il sait que lui c'est qu'un sebab. Cet ami-là, c'est qu'un sebeb. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui t'a donné ce risque-là par l'intermédiaire de cette personne-là. Donc il sait que toute ni'ma, il sait qu'elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faqalbuhu yashkur. Shukr al-qalb, c'est le fait de reconnaître que c'est Allah subhanahu wa ta'ala le bienfaiteur, c'est lui qui donne. Al-thani, c'est al-shukr yani bil-lisan. C'est-à-dire, yani yahmadullah. Il évoque le nom d'Allah, il a raison, yani yashkuru. Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith kama qala subhanahu wa ta'ala. Yani il évoque yani les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Falishan kadhalik ana shukr. C'est le fait de par la langue yani d'affiler cette ni'ma il Allah subhanahu wa ta'ala, de dire qu'elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et kadhalika de raconter les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait. Ala sabil al-shukr, laisse ala sabil al-iftikhar, yani c'est pas pour se vanter, lakin pour remercier Allah azza wa jalla de ses nombreux bienfaits qu'il lui a donné. Naam. Wa kadhalik yani shukr al-jawarih. Que tes membres aussi kadhalika soient reconnaissants, c'est-à-dire que un bienfait qui t'a donné à Allah Azza wa Jal, tu dois l'assujettir dans fitahatillah Azza wa Jal. Tu dois l'utiliser dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal min ni'mati ce qui donne mathalan al-mal. Donc cet argent là, il doit la donner yani mazaka yani les choses qui sont dans le khair. Tam yu'in al-masakin, lakin s'il le prend pour ma'siyatillah Azza wa Jal, fa hada ma shakara Allah. Il n'a pas remercié Allah Azza wa Jal. Faqad kafara bi ni'matihi. Na'am. Fa kufr al-ni'mah, ça peut rentrer dans ces trois choses là, le fait que il reconnaît pas que ça vient d'Allah Azza wa Jal, bil qalbi, il a pas la conviction, ou bien yani la yusnid al-ni'am ila Allah, yani yusnid ila ghayriha, kama qala Qarun qala inna ma utituhu ala ilmin indi, yani c'était quelqu'un qui avait une grande fortune, une grande richesse, wa qala inna ma utituhu ala ilmin indi, yani cette richesse là je l'ai eu par mon intelligence, par mes efforts, et ça vient pas d'Allah Azza wa Jal. Innama utituhu ala ilmin indi. Ou alladhi la ya'mal bi ashusmu ta'ati Allah Azza wa Jal bin ni'am. Fahada kadhalika, c'est un kufr ni'ma. Naham. Tam. On continue, inshallah. Qala rahmahallahu ta'ala, qala al-nifaq. Qala nu'an i'tiqadi wa amali. Qabla dhalika, nifaq, lughatan, ça vient du verbe nafaqa. Le verbe nafaqa, ça peut être bimahna l'inqita'a. Nafaqa, ça peut être bimahna inqita'a shay. Une chose yani, qui a une interruption. Nafaqa shay bimahna inqita'a. Inqita'a wa mada. Le deuxième sens, c'est bimahna, comme a dit l'ulama, yani sarbu shay. Comment on va traduire cela? Je ne sais pas comment traduire le muhim. On va donner un exemple, Inch'Allah, pour l'éclaircir. Les tunnels, mesalan, qui sont faits sur la terre, tu vois. Ils appellent ça dans la langue arabe nafaqun. Ils appellent ça nafaqun. As-sarb alladhi tahta al-ard. Yani un tunnel. Kama fi qala subhanahu wa ta'ala wa in kana kabara alayka i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghi nafaqan fil ard aw sulman fi as-sama' fata'tiyahum bi ayah. Yani Allah azza wa jalla l'évoque, yani que al-hirs an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, yani la volonté qu'il a que les gens y rentrent dans l'islam. Qui serait prêt à faire rien, tous les efforts et tout ce qui est impossible pour que les gens entrent dans l'islam. Fala fa'alahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa min dhalika kama qala al-ulama yani nifaqa al-yarbu'. Yarbu' c'est un animal qui ressemble à c'est un mélange entre le kangourou et la souris. Al-yarbu'. Il traduit ça par la gerboise. Lorsqu'il fait des trous sur la terre, il a plusieurs trous. Et un des trous, ils appellent ça nifaqa. Il rentre par ce trou-là, il en sort par un autre. Il rentre dans ce trou-là, il en sort par un autre. Fal ulama qalu an-nifaq, ça a été pris de ce ma'na-là. Min nifaqa al-yarbu'. Min haythu il rentre par l'islam par une porte et il en sort par une autre. Il rentre par une porte, il fait croire qu'il est musulman, lakin en vérité, il en sort par une autre parce que c'est un kafir. Il dissimule les choses. C'est pour ça qu'ils ont dit l'ulama, an-nifaq yani lughatan, si on regarde bien, yani une des ma'na kazalika c'est izharu shay. C'est le fait de faire apparaître une chose et de dissimuler une autre. كما تفعل هؤلاء المنافقون كما تفعل اليربوع تدخل يعني في مكان من باب وتخرج من باب فهذا كذلك يدخل في الإسلام من باب il rentre dans l'islam par une porte et il en sort par une autre. Il joue يعني يلعب على الناس فهذا هو النفاق لغة. النفاق لغة هو هذا يعني dissimuler une chose ou bien انقطاع الشيء. Soit dissimuler une chose ou bien qu'une chose yani soit interrompue. Ça c'est deux sens là. نعم. هذا بما يتعلق يعني بالمعنى اللغوي. Ça c'est en rapport avec le sens yani linguistique. وأما الشرع كما قال العلماء c'est quoi? إظهار الشيء وإبطان ضده. إظهار الشيء وإبطان ضده. C'est le fait de mettre en apparence une chose et d'en dissimuler une autre. هذا هو النفاق يعني عند العلماء في الشرع. Lorsqu'il a dit al-nifaq nawan, avant cela il aurait dû marquer il y en a la définition il y en a karam qui englobe les deux catégories. On dit qu'il y en a fi shar, c'est quoi? C'est idharu al-shay wa ibtan ghayri. On va prendre la définition de As-Sa'di rahimahullah qui est la basbihi. Qala idhar al-khayr, le fait de mettre en apparence le bien, wa ibtan al-shar, et de dissimuler le mal. Naham. وقال رحمه الله تعالى قال ويدخل في هذا التعريف نفاق الاعتقادي والنفاق العملي السعدي رحمه الله تعالى dans son tafsir il évoque النفاق et il dit que c'est quoi إظهار الخير وإبطان الشر ensuite il a dit رحمه الله قال ويدخل في هذا التعريف النفاق الاعتقادي والنفاق العملي donc cette définition là elle est globale elle englobe les deux sortes de نفاق نعم le fait de dissimuler un mal et de faire apparaître un bien. قال رحمه الله تعالى قال النفاق الاعتقادي c'est le premier. النفاق الاعتقادي première catégorie. T'as l'hypocrisie des cœurs si tu veux. يعني l'hypocrisie dans les convictions. نسأل الله العافية. يظهر الشيء لكن في قلبه لا يوجد ذلك. كما فعلت المنافق مع النبي صلى الله عليه وسلم lorsqu'ils ont dit نشهد إنك لا رسول الله يعني في سورة المنافقين. نشهد إنك لا رسول الله يعني هذا باللسان لكن القلب لا يشهد ils ont fait apparaître une chose qui est l'attestation لكن في القلب il y a pas d'attestation لكن فيه البغض والكراهة للنبي صلى الله عليه وسلم ils ont une hostilité et un dégoût une haine et une rancœur pour le prophète عليه الصلاة والسلام فيظهر الخير qui est l'iman il met en apparence le bien qui est la foi et l'attestation que c'est le prophète et يبطن الشر qui est le كفر بالله عز وجل والبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم والكراهة منه le fait de le détester et d'avoir la haine contre lui Ça rentre dans la définition qu'il a évoquée. Et cela, c'est le kufr qui fait sortir de l'islam. Al-nifaq al-irtiqadi, c'est le nifaq qui fait sortir de l'islam. كما قال سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار بل هؤلاء المنافقون c'est les gens les plus châtiés يوم القيامة c'est ceux qui auront le plus grand châtiment يوم القيامة قال العلماء لماذا pourquoi ils ont يعني le درك الأسفل من النار il leur est réservé c'est-à-dire que eux يعني يدخلون فيه لكن il y a d'autres catégories كذلك qui vont rentrer dans ce dernier palais de l'enfer قال الشيخ العثيمين رحمه الله ça veut pas dire que الدرك الأسفل من النار qu'il est réservé seulement aux munafiqs et que les munafiqs qui rentrent dedans. La qala hada c'est leur dar, c'est leur demeure. Lakin il y a d'autres personnes kadhalika qui peut-être ne font pas partie des munafiqs, lakin qui auront fait des œuvres qui sont telles que la mécréance et le char qu'ils ont fait les munafiqs. Comme ar-rafid. Ar-rafid hawla c'est le char yani kulluhum fihim. Ar-rafid hawla law qila annahum min lamman mata hadhalika fi darki al-asfali min an-nar lama ba'uda min dhalika. Ils ne seraient pas éloignés de la vérité. Parce que voilà, ils ont un char qui est « Ma min bab min abwa bishar illa watajiduhum fi » Tu les trouves dans chaque porte du mal, ces personnes-là. « Faka'annahum khuliqa li dhalik » Comme si jamais ils étaient créés pour cet emplacement-là. Comme on s'était rappelé dans certains cours, des fois lorsque tu regardes ce que comporte leur aqidah, leur doctrine, tu dis « Mais comment une personne qui a la raison, à qui Allah Azzawajal l'a doté la raison, il peut croire à de tels mensonges et à de telles stupidités ?» Enfin, tu te dis, subhanallah, yani, ces cœurs-là, ils sont noircis et ils sont détournés carrément. Et qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, yani, il leur a destiné yani, une destination qui est mal. Pour qu'ils arrivent à penser ces choses-là et à œuvrer de ces choses-là. Et yad'u, et il a une hostilité pour ceux qui ne rentrent pas dans leur doctrine, c'est que ça montre vraiment que ces personnes-là, yani, Allah, il a voulu pour eux le dernier palier. Parce que tata'ajjab minhum, tata'ajjab yani min aqidatihim. Fa ad-darku al-asfal min an-nar, c'est pas khas les munafiqin, lakin c'est leur demeure. Lakin d'autres personnes rentreront aussi dans cette demeure-là. Nas'Allah subhanahu wa ta'ala salamat wa al-afiyah. Naam. Fa hadha al-nifaq al-i'tiqadi hadha kufrun billah. Par rapport à cette ayah-là. Innal munafiqina fi ad-dark al-asfali min an-nar. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis en avance l'islam et ils ont caché la mécréance. Et comme on a pu voir, tamam, al-iman billah subhanahu wa ta'ala, c'est une parole et c'est un i'tiqad. Et c'est des actes kadalika. Les paroles et les actes doivent être en conformité avec la conviction, avec le cœur. Ce qu'il y a dans le cœur, on doit trouver dans le jawarih. Ce qu'il y a dans le jawarih, on doit trouver dans le cœur. Il doit y avoir une conformité entre les deux, une transparence. Mais si jamais il y a yani mutalawwin, deux couleurs, deux genres, ça marche pas. Naam. Hadha huwa an-nifaq. Deux faces, deux aspects, ça marche pas. Hadha huwa al-kufr billahi 'azza wa jalla. Naam. Fa'ad-dalil, c'est qu'ils sont ad-dark al-asfal min an-nar. Donc le fait que ce soit ad-dark al-asfal min an-nar, wa qala wa lan tajid lahum nasira. Naam. La fin de la ayah qui montre qu'il y a des kuffars. Wa lan tajid lahum wa lan hadi ala hasab yani fi kitabillah. Ça peut être yani c'est le nafik pour le mustaqbal. C'est pour une négation dans le futur. Elle est dédiée au verbe mudari' qui ont le sens du futur. Et lan hadi c'est la négation dans le futur. Et ça peut être une négation qui est éternelle. Ou bien ça peut être une négation qui n'est pas éternelle. Mathan qu'au subhanahu wa ta'ala, lan tarani. Vous ne me verrez pas, yani. Lakin, est-ce que c'est éternellement là? Yani, c'est fil dunya. Kama fil hadith, innakum lan tarana rabbakum hatta tamutu. Vous ne verrez votre Seigneur que lorsque vous allez mourir. Yani, fil dunya, c'est impossible. Fil dunya, c'est pas possible, yani. Fa hauna, c'est pas bima'na l'abad. لكن ها هنا ولن تجد لهم نصيرا ها هنا بمعنى الأبد. Et jamais de la vie il n'y aura personne qui viendra au secours de ces personnes-là. فإذن ils n'ont pas de شفاعة. Et celui qui n'a pas de شفاعة يوم القيامة, يعني celui qui أصلاً ne rentre pas dans الشفاعة, à qui on ne peut même pas يعني adresser الشفاعة. On ne parle pas de ceux à qui on accepte ou qu'Allah va accepter ou pas, qui sont تحت المشيئة ou تحت الشفاعة, qui peuvent être acceptés ou pas. أما هؤلاء rentrent même pas dans cette catégorie-là. فهذا يدل على أنهم كفار فلا تنفعهم شفاعة الشافعين فلا تنفعهم شفاعة الشافعين هذه الآية كذلك سمخ يعني كسد كفار ولن تجد لهم نصيرا لا من الله ولا من غيره donc si jamais ils ont personne qui vont les secourir comment ils vont sortir de l'enfer donc ça montre que leur demeure elle est éternelle que leur demeure elle est éternelle et ça montre que le nifaq sur lequel ils étaient c'était un nifaq qui les a fait sortir de l'islam. C'est pour ça qu'ils ont appelé ces, le ulama ce nifaq là i'tiqadi. Naam. Qala huna qala qala sittatu anwa'. Il a évoqué que le nifaq al-i'tiqadi, il a six catégories. Et ces catégories là qu'il a évoquées sont prises de la parole du Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala. On va les lire, ensuite on va évoquer le masdar à la fin. Je pense qu'il les a pris d'ici. Naam. قال ستة أنواع قال صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار. نعم كما نحن نرى سامون كي سان كافر بالله. و كما نحن نرى أيضا أن هؤلاء personnes là ce sont ceux qui seront les plus châtiés يوم القيامة. pourquoi قال العلماء parce que المنافق والكافر اتفقوا في الكفر. les deux sont mécréants. sauf que l'un est mécréant يعني علانية publiquement il le cache pas. والثاني c'est un traître. C'est-à-dire que yudhir l'islam, qu'il est avec les musulmans, et yadur l'islam bism l'islam. Il fait du mal à l'islam au nom de l'islam. Ça, c'est encore pire. Parce que tu connais pas, tu sais pas si jamais c'est ton radou, c'est ton ennemi. Ton ennemi, si jamais tu sais qui il est, tu prends tes précautions. À Mahada, tu penses que c'est ton ami, donc tu baisses la garde, tu fais pas attention. Donc il te fait. Son mal, il est beaucoup plus grand que le mal des kuffars. Parce que le mal des kuffars, yani, tu prends tes précautions par rapport à ça. Amahada, tu sais pas à quel moment il t'attaque. C'est encore pire, yani. Et comme ils ont dit les ulama, hada yani yusalli, yani yalab. Yusalli yastahzi billah subhanahu wa ta'ala. Yusalli lakin bidun niyya. Uniyatuhu al-bughd billah azza wa jalla. Yujahidu fi sabilillah, il fait des a'mal, il entend le Coran, mumkin yani yaqra'uhu ila akhirih. Fa yukhalit al-islam. Yani il voit les bienfaits de l'islam, lakin il rentre pas dedans. Amal kafir, comment on peut voir, tu vois, ça peut être al-mu'arid, celui qui s'en détourne. Donc c'est-à-dire que lui, de base, il veut même pas savoir de quoi parle cette religion-là. Donc il connaît pas les bienfaits de cette religion-là. Amal munafiq, il les connaît. Il est tous les jours avec les mu'mines. Il entend ses bienfaits, il entend le Coran, il entend les hadiths, il entend le khair. Et malgré cela, il ne croit pas. Et encore pire, il montre qu'il y a une chose qui n'est pas présent dans les cœurs. Enfin, c'est pour ça que ces personnes-là, ils sont beaucoup plus châtiés yawm al-qiyamah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il leur réserve un azab qui est achète, qui est maqala l'imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, qui est azab al-hijab. Al-munafiq, ils vont voir Allah subhanahu wa ta'ala. Khilaf bayna al-ulama. Quelles sont les personnes qui verront Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah? Al-sahih, c'est que les kuffars, ils ne verront pas Allah azza wa jal. كما قال سبحانه وتعالى إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون سورة المطففين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أي الكفار يوم القيامة ils ne verront pas Allah سبحانه وتعالى يعني الجزاء من جنس العمل comme ils avaient comme conviction et foi qu'Allah سبحانه وتعالى n'existe pas كذلك يعني يوم القيامة Allah سبحانه وتعالى il va les châtier par ce châtiment là qui est le fait qu'ils ne verront pas Allah سبحانه وتعالى. Comme ils l'ont fait fi dunya, ils l'ont ignoré fi dunya, Allah subhanahu wa ta'ala les ignore fi l'akhirah. فَالْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. À ce jour, nous vous oublions comme vous avez oublié le jour de la rencontre. يعني يوم القيامة. وَأَمَا الْمُنَافِقِ الصحيح, c'est qu'eux, ils vont voir Allah Azza wa Jal. Lorsque Allah Azza wa Jal, il va dire ceux qui adoraient le Shams, ceux qui adoraient le Shams, n'ont qu'à suivre le Shams, ceux qui adoraient le Qamar, doivent suivre le Qamar. Chaque personne va suivre yani, la chose qu'il adorait fi dunya. Jusqu'à ce qu'il va rester yani, une poignée de Ahlul Kitab, Al-Mu'minun ou Al-Munafiq. Al-Munafiqun. Allah subhanahu wa ta'ala va venir yani, sous un aspect qui n'est pas l'aspect qu'ils ont connu yani, fi kitab Allahi Azza wa Jal. Yani, Allah Azza wa Jal il évoque dans son kitab les sifat, ses attributs, qui fait que yawm al-qiyama on peut reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala. Il va venir sous un aspect qui n'est pas l'aspect qui est connu. Ils vont dire, ma'adha Allah, makanana hatta ya'tiya rabbuna. Ils vont dire, ma'adha Allah, tu n'es pas notre Seigneur. C'est pas celui dont on a connu dans le kitab, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a évoqué par rapport à ses attributs. Enfin, ils vont dire, on reste là jusqu'à ce que vienne notre Seigneur. Ensuite, il va venir sur l'aspect dont Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué fi kitab et fi sunnati. Fi sunnati rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Là, ils vont dire, tu es notre Seigneur. Fa hauna, les mu'min, ils vont se prosterner. Wa amal munafiq, qui se prosterne fi dunya riya'an, par ostentation, pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, afin de préserver ses biens, il va vouloir se prosterner et ne pourront pas. Ils vont vouloir se prosterner et là, ils ne pourront pas. يَوْمَ يَكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدَعَوْنَ إِلَى السُّجُودَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. يَوْمَ يَكْشَفُ عَنْ سَاقٍ, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala va découvrir son pied, وَيُدَعَوْنَ إِلَى السُّجُودَ, et ils vont être appelés à se prosterner à Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا يَسْتَطِيعُونَ, ils ne pourront pas les munafiqs. et ne pourront pas parce qu'ils l'ont pas fait pour Allah Azzawajal. Man kana sajidan li ghayri Allah Azzawajal yawm al-qiyamah, il pourra pas se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala. Fait, ils vont voir Allah Azzawajal. Ils vont voir Allah Azzawajal et ensuite, lorsqu'ils vont arriver sur Sirat, Allah subhanahu wa ta'ala va faire comme si jamais il va leur donner une lumière. Comme si jamais ils étaient avec les mu'min, qu'ils allaient passer le Sirat, le pont, il y en a qui est au-dessus de l'enfer sans problème. Enfin, ensuite, leur lumière va s'éteindre. Attendez-nous afin qu'on profite de votre lumière. Retournez en arrière et vous allez trouver de la lumière. فَدُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ رَحْمَةٌ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِ الْعَذَابِ. Donc ils vont revenir et là ils vont trouver une porte dont d'apparence elle appelle au khair, mais en vérité il y a le mal dedans, c'est l'enfer. Et une autre porte qu'ils vont voir, que cette porte-là, si jamais ils rentrent dedans, ils vont tomber dans le mal, et cette porte-là en vérité amène vers le bien. فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَذَلِكَ. Comme ils se sont amusés avec Allah Azza wa Jal, min haythu, ils ont mis en avance des choses qui n'étaient pas présentes dans le cœur, donc Allah subhanahu wa ta'ala il va leur mettre un bab qui d'apparence est comme ceci et cela, lakin à l'intérieur c'est l'inverse, comme leur cœur, comme leurs œuvres. فَسَيَدْخُلُونَ فِي ذَلِكَ الْبَابِ وَيَتَشَاقَتُونَ فِي النَّارِ. Et قَالَ الْعُلَمَا كَمَا قَالَ ابْنِ قَيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَهَوْلَا, ils seront châtiés d'un double châtiment. أَوَلَا نَدْرَكَ الْأَسْفَلَ مِنَ النَّارِ, parce que c'était des koufars, ils n'ont pas cru en Allah Azza wa Jal. Et deuxièmement, c'est quoi? Hijab. Parce que là, ils ont vu Allah subhanahu wa ta'ala. Et quel est le plus grand des bienfaits? Le plus grand des bienfaits, c'est de voir Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas le Jannah. Al Jannah, c'est azim jiddan. On ne peut pas s'imaginer quel est ce bienfait-là. Il est tellement immense. Comme il y a dans le hadith. A'adattu li'ibadi ma la aynu ra'at wa la khatara ala bali bashar. J'ai préparé pour mes serviteurs dont une chose dont aucune personne n'a vu et que personne ne peut s'imaginer. Il y a un khair qui est azim jiddan. Et ce khair là, il ne vaut rien par rapport au fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Voir Allah azza wa jalla, c'est beaucoup mieux que le jannah. Comme il dit subhanahu wa ta'ala, lil ladhina ahsanu al husna qala al ulama al jannah wa ziyada. Pour ceux qui auront cru en Allah azza wa jalla, al muhsinun qala subhanahu wa ta'ala, ils auront al husna qu'al jannah qalu wa ziyada. Hada bil ijma'. بجمعه يعني كما نقل الدارمي رحمه الله كالمراد بالزيادة هنا سي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى في حديث صهيب عند مسلم أن الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة أتريدون أن أزيد لكم إسكو بليكم وغاجوت يفون دير يعني كيس كي تو بو نو غاجوتي ألوغ كو تو نوزا في رونتخو جنة إي يفون إيفوكي لي نعيم دون لكال يسون. فالله سبحانه وتعالى سيكشف سيكسف الحجاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فينظرون إليه فما أعطوا نعمة أحب إليهم من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. Et à ce moment-là, ils vont dire, il dit النبي صلى الله عليه وسلم qui, lorsqu'ils vont regarder cette ni'ma-là qui est le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala, est le plus grand des bienfaits qui ont été octroyés à ces personnes-là. Donc ça montre que le nazar إلى وجه الله سبحانه وتعالى, c'est quoi? C'est أعظم. C'est comme si jamais la personne elle aime يدخل الجنة et ensuite on l'expulse du Jannah, qu'à Iblis يعني on l'expulse du Jannah. Enfin, il va connaître les bienfaits qu'il y avait dans le Jannah, donc il va savoir qu'est-ce qu'il a loupé. Ama celui qui n'a pas connu ce bienfait là, il va pas connaître يعني le véritable bienfait de cette chose là donc il va pas sentir la chose qu'il a loupé. Ama celui qui est rentré dans le Jannah ثم أخرج, et on le met en enfer, comme quelqu'un qui était en parfaite santé et ensuite il devient malade. Là il connaît le bienfait de la bonne santé. Celui qui était en parfaite santé, ensuite il tombe malade. Ou celui qui était barclofi, qui n'était pas handicapé, ensuite il devient handicapé. Là il voit qu'est-ce que le bienfait de ne pas être handicapé. Mais celui qui est né handicapé et meurt comme cela, il ne voit pas c'est quoi le bienfait de ne pas être handicapé. C'est comme un qala al-ulama faqid al-ni'ma, c'est lui qui reconnaît. C'est cette ni'ma. Faqid al-ni'ma yash'uru biha, il la reconnaît, il la ressent. Fa'awla kadhalika, al-an c'est encore pire que le jannah. Yani, il voit Allah subhanahu wa ta'ala qui est la plus grande des ni'mah, et ensuite yani, ils ne le verront plus Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme قال ibn Qayyim rahimahullah ta'ala قال هؤلاء المنافق يعذبان بعذابين, ils seront châtiés يوم القيامة par deux châtiments, yani, le châtiment de l'enfer et le châtiment bil hijab, c'est-à-dire qu'ils ne verront plus Allah subhanahu wa ta'ala, le châtiment du voile. Fahaoula, wali'adhu billah, c'est les gens qui sont les plus châtiés. Le châtiment qui est doublé, comme l'a évoqué Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Na'am. Faqala rahimahullah, qala al-awwal, qala al-awwal takdhib ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Wahada ka qala lillahi subhanahu wa ta'ala, la première ayah de munafiq, idha ja'aka al-munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Un munafiq, tu ne peux pas trouver un munafiq sans qu'il y ait du mensonge. Le simple fait qu'il montre l'islam et qu'il cache le kufr, ça c'est du mensonge. Il dit qu'il est musulman, lakin ce n'est pas des musulmans. Il dit qu'il est mu'min, lakin ce n'est pas un mu'min. Tout munafiq, c'est un kadib. Tout munafiq, c'est un kadib, kadhab, c'est un menteur. Par rapport à cette ayah-là, le fait qu'il divulgue une chose et en dissimule une autre, ça c'est du mensonge. Parmi les asbab de cela, et c'est le sabab. C'est le sabab al-a'zam, takdhib al-rusul. Il démonte yani la prophétie du prophète alayhi wa sallam. Il n'aime pas le prophète alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on va voir ça? Lakin al-rukn al-awwal, c'est ça, c'est takdhib. Ils approuvent bil lisan de la prophétie, lakin bil qalb abadan. Il n'y a pas d'approbation bil qalb. Innama bil lisan faqat. Fa al-munafiq, le rukn al-asasi, le pilier fondamental du nifaq, de l'hypocrisie, c'est le mensonge. Comme fait cette aya. Alors subhanahu wa ta'ala, il a dit c'est des menteurs. Innal munafiqina wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. C'est des menteurs. Non, ce sont certes des menteurs. Fa hadhihi al-aya wadihah jiddan. Ça c'est la base du nifaq, le mensonge. Dissimuler une chose et en divulguer une autre. Qala athani takdhibu ba'di ma ja'a bihi ar-rasul wa hadha khatir. لأن هذا في الحقيقة سرّن dans la première catégorie, parce que celui-là يكذب كل شيء, يعني يكذب la prophétie, يكذب النبي et sa prophétie, donc il كذب كل شيء, il ne croit pas en l'islam. أما هذا يصدق بعض الأشياء, il y a des choses qu'il voit que في الحقيقة c'est la vérité, لكن أشياء يكذبها, il dément la législation de certaines choses, il la refute بالقلب. فهذا خطير جدا باسكو في الحقيقه يشمل كذلك ايش المؤمنون المؤمن يبو رانتري دون سيت كاتيجوري لا باسكو المؤمن يكرو ان الله عز وجل يكرو ان بروفيت اي لا تيست اي لا بروف لا بروفيسي دو بروفيسور صلى الله عليه وسلم لكن il y a des choses dans l'islam qui ne sont pas appropriées pour lui et il jadil fi. C'est pour ça que tu vois certains des ulama, enfin de ceux qui se prétendent comme des ulama à notre époque, comme al-Qurdawi مثلا. هذا رأس من رؤوس المنافقين في هذا العصر. Et ils appellent ça les ulama zindiq. Zindiq, c'est qui? C'est le munafiq الذي كشف زندقته ونفاقه. C'est celui dont le nifaq il a été dévoilé. C'est-à-dire qu'il a fait des œuvres, des œuvres qui font sortir l'islam et il prétend encore l'islam. Il prétend encore l'islam après ces œuvres-là qu'ils ont dévoilé ce qu'il y avait dans son cœur, qui n'est pas l'islam. Yani al-an, celui-là, il a dit une chose qui était a'udhu billah, un mu'min yastahiq, il dit ça, même c'est quelqu'un qui est ivre jusqu'au dernier point, il ne peut pas dire une parole comme la sienne. Il a dit si jamais Allah, lorsqu'il y avait les élections dans la terre occupée, les ulama disent il ne faut pas dire Israël, parce que ce n'est pas une terre qui est reconnue, fil haqiqa, c'est al-Falistin al-Muhtala, c'est la terre qui est occupée, nasallahu alayhi wa raddaha ala al-muslimin. Dans la terre occupée, il y avait une élection là pour ce gouvernement-là, prétendu. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est mon Qardawi, il a dit si jamais il y avait, je ne sais plus c'était quelle personne qui s'est présentée aux élections là. Il a dit cette personne, elle a été élue à je ne sais plus combien, il y a presque suffrage universel, je ne sais plus si il dit ça. Il y en a, ils étaient tous unanimes, il y en a presque tous unanimes pour élire ce président-là. Et à 99%, il y en a 100% presque. Qu'est-ce qu'il a dit, Hada? Al-Ghawi, faqa'ala, law anzal Allah Azza wa Jal. Si Allah subhanahu wa ta'ala était descendu pour se présenter aux élections, déjà rien que cette parole-là, yakfi. Pour se présenter aux ces élections-là, il n'aurait pas eu le même pourcentage de vote qu'a eu cette personne-là. C'est un truc de malade. Cette parole-là, قال الشيخ العثيمين, cette personne-là, on lui demande de faire tawbah, sinon on lui frappe sa nuque. لأن هذا كفر بالله عز وجل. والبابا يترحم عليه. Le pape dit rahimahullah. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa ma kana an-nabiyyu wal ladhina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Il ne convient pas aux mu'min, aux prophètes, de demander le pardon aux kuffars, même si jamais ils font partie de leurs proches, même si c'est des gens de leur famille, il ne convient pas qu'ils demandent pour eux le pardon après que les preuves claires et évidentes leur sont parvenues que ces personnes-là sont des gens de l'enfer, c'est-à-dire qu'il est mort sur le kuffar. فهذا يجوز هذا سين آية محكمة واضحة يا بعد تأويل يا بعد انتقادشون فهذا il a dit on peut dire رحمه الله الباب آية تصل فهذا يعني il a des œuvres التي تكذب الإسلام تكذب القرآن personne appelle ça zindiq quelqu'un dont al-nifaq il est dévoilé il a plus besoin de se cacher de dire je suis musulman bil-lisan tu es découvert هذا هو سماه زنديق فيكذب بعض الأشياء بعض الأشياء من الدين يكذبها comme le fait de dire qu'on peut faire un tarahum bil-baba au pape et la parole يعني عظيمة qu'il a dit في الله عز وجل il a placé ce kafir عدو الله سبحانه وتعالى au-dessus d'Allah عز وجل فهذا ما فماذا بعد الحق إلى الضلال فهؤلاء يعني ça c'est on appelle des indiques et ça c'est خطير جدا هذا c'est خطير جدا لأن الإنسان يعني قد يدخل فيه t'as des gens qui ils polémiquent sur des choses qui sont venues dans l'islam tu vois après que la preuve elle est parvenue comme مثلا اللحية il y a des gens c'est خطير عليهم le hakika c'est خطير parce qu'il y a des preuves qui sont évidentes frère tu vois comme le fait اللحية il vient déjà d'une fille polémique dessus parce qu'ils sont dans une époque où ils se disent si jamais on met اللحية on est affiché on est catalogué ceci cela ou le hijab ou bien des choses dans l'islam يعني qui sont واضحة et il déjà d'une fille هذا يخاف عليه فذلك كان الصحابة كانوا يخافون النفاق أشد عليهم كان ابن أبو مليكة رحمه الله تعالى عند التابعي إلى دي أدركت 30 من الصحابة كلهم يخافون على أنفسهم النفاق j'ai rencontré plus de 30 personnes parmi les Sahaba il n'y avait pas une personne parmi eux qui n'avait pas peur de النفاق parce que c'est خطير يعني بعض الأشياء il peut rentrer dans la polémique et à la fin il en conclut à démentir une chose qui est ثابت في الإسلام فهذا خطير جدا النفاق خطير جدا نعم فهذا surtout cette catégorie là الإنسان lorsque lui vient une chose du kitab la sunna وسلم تسليما il a pas compris وسلم تسليما il cherche pas la polémique كما فعل الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا une chose que je comprends pas je la laisse pour demain inshallah et أسأل أهل الذكر لكن je rentre pas dans les polémiques jusqu'à ce que peut-être ce كذب شيء qui est معلوم من الدين Et sans savoir, je suis rentré dans le nifaq. A'udhu billah. Al-takdhib ba'd ma ja'a bihi ar-rasul, ça c'est khatirun jiddan. Lana la porte est ouverte aussi aux musulmans, qad yaqa'u fi. Celui qui n'a pas une satisfaction indirecte. Yusallimu taslima mubashara, il rentre pas dans les pourquoi du comment ceci cela, yusallim. Ça vient d'Allah, amanna bih. Naham. Qala al-thalith bughd ar-rasul. Tam bughd ar-rasul. Il l'aime pas, il le déteste. Il sait, yani, que il dit la vérité, lakin il le déteste. Fa'ala kadhalik. Parce que al-wajib c'est hubb al-rasul. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala thalathun man kunna fi wajada halawat al-iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Yani pour que tu aies la foi, il faut que Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète soient les plus aimés auprès de toi. Et comme on avait pu voir avec le hadith de Omar lorsqu'il a dit tu es le plus aimé auprès de moi en dehors de moi enfin il lui a dit là jusqu'à ce que je suis plus aimé auprès de toi ya Omar summa qala tu es le plus aimé auprès de moi fa qala al-an hada huwa al-iman qui est le matlub donc ça c'est une personne qui aime le Rasoul lakin qui s'est préféré à le Rasoul il a dit c'est pas ça l'iman donc que dire de la personne yubrido هذا سكفر بالله عز وجل في دليله نعم قال رحمه الله قال الرابع بغض بعض ما جاء به الرسول c'est un peu comme le deuxième هذا كذلك خطير هذا كذلك خطير في الحقيقة comment s'appelle la مقدمة du تكذيب parce que ces gens là qui viennent qui polémiquent dans certaines choses يعني de l'islam parce que يعني ils voient que ces choses là يعني ils aiment pas ces choses là ils aiment pas ça ils aiment pas le tu vois qui fait qu'ils polémiquent qui fait que خطير هذا جدا هذا خطير جدا الإنسان يعني الإسلام c'est pas une مسألة de ذواق un goût et plaisir يعني mes préférences et... Allah subhanahu wa ta'ala il éprouve juste des fois pour voir la soumission sur des choses dans lesquelles يعني l'insan il n'est pas yani yunasibo, ça lui pas approprié yani, comme le fait par le fait qu'elle lorsque Ibrahim on lui a demandé d'égorger son fils. Mais c'est soumis directement. Des fois, c'est juste pour voir la soumission, le degré de soumission d'une personne. Alors, subhanallah, il légifère des choses afin de voir les personnes qui sont soumises, qui se soumettent directement à Allah subhanahu wa ta'ala sans se poser des questions. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا. Il n'a pas trouvé de gêne, yani, dans ces choses-là. Naam. Et comme on a pu voir, yani, c'est par rapport à la législation, et c'est pas par rapport yani, aux choses qui sont liées. Encore une fois, on répète. Il y a des choses qui sont liées à certaines des ibadats dont l'insan il n'aime pas. Ça ne lui plaît pas. Lakin, ça ne rentre pas dans cette catégorie-là. Comme on a pu voir avec le djihad, le fait de perdre des enfants ici et tout cela, c'est une chose qu'on n'aime pas. Lakin, ce n'est pas ça le djihad au fisabilillah, c'est le fait de combattre et pour Allah. Celui qui n'aime pas combattre pour Allah, ça c'est une autre chose. Naam. Donc il faut bien faire la différence, comme on a pu voir avec le nawaqid dans le nawaqid de l'islam. Dans le nawaqid de l'islam. Et min al-adillah ala zalika. قال سبحانه وتعالى وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. Dans sourate An-Nisa, le verset 77. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. Pourquoi tu as légiféré sur nos قتال. هذا يعني كانوا يبغضوهم. Et les ulama ils ont évoqué que ces personnes là qui ont dit ça peut être des munafiqs comme ça peut être des mu'min. Al-Munafiq, parce qu'il déteste le qital, il aime la dunya. Donc lui, Aslan, il a dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, afin qu'on ne le tue pas. Donc il ne va pas aller dans le djihad pour se suicider pour lui. C'est un suicide. C'est contraire à ses convictions. Il est rentré dans l'islam afin d'être sain et sauf. Donc si on lui demande de combattre, il va sortir de ces genres de paroles-là. Lima katabta anil al-qital. Wa qalu buyutana inna buyutana awra. Nos maisons sont vides. Il n'y a personne, il n'y a pas de tuteur à la maison. Nos femmes sont seules. Il trouve des excuses. وَمَا هِيَ بِعَوْرَ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارَ. Il veut juste essayer de fuir, esquiver le qital. Parce qu'il est rentré dans l'islam afin d'être épargné. Donc là pour lui c'est du suicide. Naham. Ou bien il dit, ça peut être yani, la parole de mu'min. Qui dit cela yani, par yani, darf al-iman. Et par le fait yani, par comment ça s'appelle, par, ils appellent comment ça la traduction, al-jaban. Al-jaban qui est la lâcheté. Naham. La lâcheté c'est un peu la peur du combat. C'est pas par, il dit pas ça par dégoût du djihad au fisabilillah, lakin il a peur du combat, il a peur, c'est un lâche yani. Fa hada kadhalika qad yadkhulu fi wa hada khatirun jiddan, hada khatirun jiddan, c'est un bab dans lequel al muslim peut rentrer aussi dedans. C'est comme yani le fait de takdhib, c'est deux portes qui sont grandes ouvertes au muslim, celui qui polémique fait l'islam mais qui n'a pas une parfaite soumission. Naam. Qala rahimahullah ta'ala qala al khamis المصرّة بانخفاض دين الرسول. المصرّة بانخفاض دين الرسول. وهذا كذلك معلوم. On n'a pas besoin de polémiquer pour savoir que ça fait partie de l'islam. Le fait qu'il se réjouit que l'islam diminue, que l'islam n'avance pas. بالعكس. Ça montre qu'il n'aime pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Allah azza wa jalla il veut que son dîn soit le dîn, yani dîn al-aziz. Qui soit le dîn qui soit secouru. Et Hada il veut pas cela. Hada il veut pas cela. Hada kazalik c'est du nifaq. Si jamais dans son cœur on trouve cela, c'est du nifaq. Qala salis al karahiya bintisar al rasul. Hada c'est un peu la même chose.